Même s'il m'a de nombreuses fois fait la courte échelle pour me tirer d'affaires qui m'auraient valu bien des peines. Plus je le côtoie, plus l'humour me fait peur. Moi qui ne croyais que bénéfique, il peut être destructeur. Doté d'un double tranchant, un côté pouffant de la poire et un autre plus dérangeant qui peut faire fondre en larmes, blesser profondément avec sous le coup d'un alibi. Laisser planer un doute entre le vrai et la plaisanterie. Il peut écrabouiller quelqu'un sans choquer personne, puisqu'au fond c'est pour de rire, donc l'intention est bonne. L'humour est à manipuler avec une certaine précaution, en fonction du public, de son degré de réception. Les piques lancées à foison, selon l'équilibre entre le rire et le poison, peuvent de manière décisive provoquer des infections, pour lesquelles, quoi qu'on en dise, l'excuse peut s'avérer trop tardive. Lubrifiant social et formidable carapace, mais le trop sur piédestal et l'humour prendra ta place. Te voilà comique de service, on t'écoute que très peu, ou alors avec un rictus quand tu essaies d'être sérieux. Ton costume te va si bien qu'on le confond avec ta peau, et finalement même toi t'as peur de le voir partir en lambeaux. Plus tu fais marrer les gens, plus ton état mental empire. Tu ne sais plus comment t'en sortir, mort de rire. MDR. Combien de fois l'humour m'a sorti de l'anonymat, pris en flagrant délire par des crampes abdominales. Abominable rire aigu, insupportable et retardé. La larme à l'œil, les traits tirés, visage stupide et convulsé. On dirait pas mais je suis un type plutôt MDR, voire carrément lol, trop fun. Et si j'ai l'air sévère, c'est que je digère mal les clowns. Trop délirant ou trop cuidant, très truculent, vraiment marrant, voire hilarant effectivement. Mon humour est cynique, une manière de ne pas pleurer de ce qui est visible et de me rappeler ô combien je reste ridicule. Si je me prends pas pour de la merde, c'est que je suis un trou du cul. Heureusement que j'ai plus d'autodérision que d'autodécision. Insignifiant comme ces luttes sans rémission que j'ai dû abandonner comme j'ai pu être puéril. Penser que je pouvais faire un truc bien dans ce foutoir stérile. Qu'est-ce que j'ai ri jeune quand j'ai compris que tout était vain, que j'étais qu'un futur défunt et qu'ici tout prendrait fin. Ça n'empêche pas que comme tous les rigolos de mon espèce, j'aspire comme je respire et pire comme un con j'espère. On se croit les petits rois de notre microcosme pathétique, quand nous ne sommes que les bouffons d'une comédie plate et triste. Et lorsqu'on comprend que la vie n'est qu'une plaisanterie, on apprend à tirer un trait d'humour sur ses envies.